Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Pompéi, la vie sous la cendre, une série de Perrine Kervran réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a une fascination, il faut bien l'avouer, pour ces villes ensevelies devenues rêves d'archéologues. Un laboratoire d'archéologie à ciel ouvert, des nouvelles découvertes et un sauvetage. Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue rassuré, un surintendant sur le pont, un architecte mobilisé, une archéologue inquiète, un archéologue qui sauve et qui trouve, des restauratrices méticuleuses et un archéologue décor. Ensuite, le décor. Les effondrements, la providence, un grand projet, un théâtre, du béton, la camorra, des scandales, un carabinieri, le patrimoine mondial, des visites guidées, la région 5, une tombe, des amulettes et des rituels. Aujourd'hui, 4e épisode, on ressort une archive. Elle faisait 8 mètres de haut, il n'en reste qu'un tas de gravats. Dans la rue principale du site de Pompéi, la maison des gladiateurs s'est effondrée dans la nuit de samedi à dimanche. Pour Paolo Mazzarella, guide à Pompéi, l'édifice n'a pas résisté aux fortes pluies et au poids de son toit en béton armé, fruit d'une restauration dans les années 50. La terre gorgée d'eau a glissé de la colline jusqu'au mur de la maison, qui a cédé sous la pression. Le 6 novembre 2010, à l'aube, dans le parc archéologique de Pompéi, la Scuola Armaturarum s'effondre et déclenche une indignation internationale. Pompéi, des vies sous la cendre, un sauvetage et des découvertes scientifiques. Là, vous avez quelque chose d'intéressant, parce que c'est un élément déclencheur, on va se mettre à l'ombre, un élément déclencheur du grand projet actuel. William Van Andringa, archéologue. On restaure de Pompéi depuis 3 ans déjà, je crois. Je crois que les choses ont commencé en 2014-2015. Tout est parti de là, on est devant la Scuola Armaturarum, c'est le nom qui est donné donc à un lieu qui a une fonction discutée là aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui s'y faisait à l'intérieur. C'est un espace unique qui donne sur la rue. C'est intéressant d'en retracer l'histoire récente. Hein. C'est donc un grand hall qui a subi les bombardements de 1943. Je crois que ce sont les Américains qui ont payé la restauration dans l'après-guerre. Et ils ont construit ça avec les moyens de l'époque, notamment en utilisant du béton. L'architecture nouvelle, contemporaine, a été posée sur les murs antiques avec les pluies. On a eu un moment de forte pluie et les fondations romaines se sont affaissées, ce qui a provoqué l'écroulement du bâtiment en question. Tout est parti de là, puisque c'est l'écroulement de ce bâtiment qui a été relayé par les médias du monde entier, qui a provoqué une sensibilisation de la communauté internationale et notamment de la communauté européenne, qui a abouti donc à la création de ce que les Italiens appellent il grande progetto, c'est-à-dire le grand projet de restauration. Et c'est ce qui se passe depuis quelques années. Donc on est là devant l'élément déclencheur de ce grand mouvement de solidarité finalement. Le problème de Pompéi, c'était l'absence de la manutention. Massimo Ossana, surintendant de Pompéi. On avait perdu ce processus normal dans un site archéologique de conservation programmée, de conservation jour après jour. Et c'est comme ça que, dans les 2010, il y avait cet effondrement d'un bâtiment, la Scuola Armaturarum, un bâtiment qui, pendant la nuit, disparu. Alors ça c'était la chance de Pompéi, parce qu'avec cet effondrement, qui n'était pas terrible, parce que l'effondrement était un bâtiment déjà bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dis toujours qu'il y avait de la chance pour Pompéi dans cette nuit, parce que dans ce moment, le gouvernement a compris qu'à Pompéi, il faut changer des politiques, l'approche. Et c'est comme ça qu'on a commencé à penser à les grands projets européens et à commencer à penser à une nouvelle gouvernance. Ah ben voilà, moi je crois qu'il a résumé, l'essentiel. Mais en indiquant quand même quelque chose d'intéressant aussi dont on n'a pas conscience lorsqu'on visite le site, c'est que les murs s'écroulent à Pompéi depuis toujours. Les cahiers de fouilles des années 1750 mentionnent déjà l'écroulement de murs. Et ce qui est intéressant, je crois que c'est en 1780, Ils sont en train de dégager le quartier autour du Grand Théâtre. Et à un moment donné, le rédacteur s'interrompt et il signale, il dit qu'aujourd'hui, un mur est tombé. Et la phrase suivante, c'est qu'on a envoyé des maçons et des artisans pour le restaurer, pour le remonter. Donc les murs tombent depuis le XVIIIe siècle. Et que fait-on ? Eh bien, on les remonte. Donc l'écroulement des murs, si vous voulez, n'est pas l'indice d'un déclin du site ou je ne sais trop quoi. Pendant très longtemps, on avait une escouade de maçons qui travaillait à Pompéi, qui travaillait pour la surintendance. Et je me souviens, le directeur du site faisait son tour matinal entre 8h et 10h le matin pour aller justement relever les problèmes, les murs tombés pendant la nuit. Et puis ensuite, à 10h, il prenait les dispositions qu'il fallait pour remonter les murs. Et le grand projet, c'est une toute autre ampleur. C'est plus de la réparation, mais c'est carrément une restauration globale qui s'imposait parce que au bout d'une génération ou deux, il est évident que la réparation ne suffit pas. Et tout ça est tout à fait logique et bienvenu qu'on ait ces grandes campagnes de restauration systématique avec ces relevés systématiques qui permettent aussi de prendre comme un malade. Hein. On fait des analyses, en fait, c'est ça. Toutes les analyses possibles et imaginables de façon régulière pour savoir si tout va bien. Et je crois que c'est en effet un moment important pour le site. Oh, okay. Okay. Show you how to use it. Okay, the building's information. The place is available with your documentary. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. So, just near that ear, or use the earphone. Antonio Irlando, vous êtes architecte, vous vous êtes occupé d'une association pour la préservation du patrimoine culturel. Quel rôle vous avez joué autour de Pompéi? Allora, noi ci occupiamo di Pompei da tanti anni. À vrai dire, nous nous occupons de Pompéi depuis de nombreuses années. On avait d'ailleurs commencé à le faire 10 ans avant la crise de 2008, qui a rendu Pompéi tristement célèbre dans le monde entier pour les écroulements de ses bâtiments. Prima ci siamo occupati di raccontare la bellezza di Pompei. Au départ, ce qu'on faisait, c'était mettre en valeur la beauté de Pompéi à travers des livres, des articles, des événements. Abbiamo scoperto che la bellezza di Pompei, la storia, i monumenti. Mais au bout d'un moment, on a découvert que cette beauté de Pompéi et de son histoire était en péril. Et on ne pouvait plus se contenter de faire des livres tout en restant indifférent à l'agonie de Pompéi. Donc, on a commencé à raconter ce qui se passait vraiment dans ce territoire difficile où règne la Camorra, c'est-à-dire la mafia, et où sévit le crime organisé. Et c'est comme ça que nous avons commencé à raconter systématiquement ce qui n'allait pas. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que le gouvernement a finalement déclaré l'état de catastrophe et d'urgence nationale à Pompéi en 2008. Et si le fait de déclarer cet état d'urgence a été une mesure extraordinaire, malheureusement, ce n'était pas une intervention pertinente et durable. C'était en fait un moyen de se donner la possibilité d'assouplir les procédures, de faciliter les prises de décision et de débloquer rapidement d'énormes moyens, mais hélas, pour continuer à aller dans la mauvaise direction. Alix Barbet, archéologue. À un moment donné, on a voulu séparer le travail scientifique du surintendant de celui qui serait responsable des structures et maintien en état des éléments. Et à ce moment-là, c'est devenu à la mode de valoriser les choses. Donc on s'est amusé à vouloir transformer ce théâtre pour pouvoir, soi-disant, y mettre des spectacles. Et donc on l'a bétonisé. This is the Roman concrete that allowed the Romans to make such amazing constructions like the Pantheon in Rome, this dome roof that is. Si sono spesi. En fait, on a dépensé des millions d'euros pour faire des choses inutiles, voire nocives. Ce qui a été fait au théâtre romain en est un bon exemple. Il a été outragé, défiguré et quasiment détruit. C'est-à-dire que, comme le bâtiment a été recouvert de béton armé, la plupart de ses décors d'origine ont été perdus. Alors évidemment, dans ce cas précis, avec cette opération, on peut parler de tout sauf d'un acte de conservation. Qui a mis Marcello Fiori à la tête du parc archéologique de Pompéi ? Praticamente Marcello Fiori fu indicato. Marcello Fiori a été nommé par le ministère de la Culture et du Patrimoine, enfin, plus précisément par le gouvernement italien, qui, à mon avis, en déclarant l'état d'urgence à Pompéi, a fait une très grave erreur. Il ministero dei beni culturali fu commissariato. Concrètement, ça veut dire que pour tout ce qui concerne les budgets à allouer et les interventions à mener à Pompéi, le ministère de la Culture a délégué son pouvoir décisionnaire au ministère de la Protection civile. Et ça, c'était vraiment une décision hallucinante, gravissime et absurde. Et c'est ce qu'on a dénoncé inlassablement à l'époque. C'est-à-dire que déclarer l'état d'urgence et confier la gestion du site à la protection civile, c'est comme si on revenait 2000 ans en arrière. Comme si le Vésuve venait de nouveau d'entrer en éruption, et comme si il venait de se passer une catastrophe imprévisible et extraordinaire qui justifierait vraiment le recours à la protection civile. Bref, à partir de ce moment-là, Pompéi a été considéré en état de catastrophe naturelle, alors que cet état d'urgence n'avait rien de naturel. C'est un état d'urgence né d'une mauvaise gestion qui durait déjà depuis très longtemps. Pompéi était commissarié, non, commissariata, avec quelqu'un qui est venu de Rome, pas un archéologue, mais des personnes avec le rôle de commissaire, que ça signifie la possibilité d'utiliser l'argent sans passer pour le système normal d'attribution. Oui, c'est ça. Et ça, les problèmes étaient avec les théâtres sont très connus. Et est-ce que justement cette affaire de théâtre, donc ce théâtre qui a été restauré avec du béton armé, comme vous venez de le dire, Antonio Irlando, on a lu beaucoup dans la presse que ces travaux avaient été faits par la mafia et que ces travaux avaient servi aussi à blanchir de l'argent. Allora, qui la mafia è presente in tante vesti. Il faut savoir que la mafia peut prendre de nombreuses apparences qui n'impliquent pas forcément des pistolets ou des fusils. Ça peut aussi prendre la forme de malfaçons sur des chantiers, par exemple. En fait, on parle de mafia ou de crime organisé quand l'argent est gâché ou détourné. Quand l'État ne contrôle pas des travaux, des marchés, ou des transactions. Ou alors quand, comme à Pompéi, les monuments ne sont pas protégés et qu'on entreprend des chantiers dans tous les sens pour dépenser très rapidement beaucoup d'argent sans pour autant conserver le site. Concrètement, pour nous, la mafia, c'est tout ce qui détruit l'histoire et l'identité du patrimoine culturel pour faire du profit. Et c'est clairement ce qui s'est passé à Pompéi. C'est donc pour y voir plus clair que la justice italienne, la justice ordinaire, mais aussi la Cour des comptes, a voulu enquêter pour comprendre comment avait été dépensé l'argent attribué à Pompéi. Et elle a condamné Fiori à rembourser la somme de 600 000 euros, je crois. Mais je ne me souviens pas exactement. Marcello Fiori, appunto, che deve restituire. Poi c'è anche un altro processo. Et en ce qui concerne d'autres procès en cours, le tribunal de Torre Annunziata n'a pas terminé son enquête et les jugements n'ont pas encore été rendus. Mais la justice doit bientôt se prononcer pour confirmer l'irrégularité de nombreux contrats. Et alors, comment vous êtes justement revenu à Pompéi? Alors, c'était le 2014, la situation était très critique. Et je me rappelle très bien que quand j'y suis arrivé, beaucoup de monde m'a demandé, bah, tu es sûr d'aller là? Parce que je pense que là, c'est difficile de faire quelque chose. Alors, je suis arrivé ici un peu, comment dire, préoccupé, mais avec beaucoup d'énergie. Au début, c'était difficile parce que chaque jour, chaque semaine, il y avait des effondrements des murs. On était toujours sur les journaux, sur les notices, des scandales, les scandales à Pompéi, toujours. Encore un effondrement, une catastrophe. Aussi, toutes les choses aussi les plus petites avaient à Pompéi un écho incroyable. Mais j'avais de la chance parce qu'avec moi est arrivé ici un général des carabiniers, qui est Giovanni Nistri, qui maintenant c'est le chef de l'arme des carabinieri en Italie. Et avec lui, on a formé un team incroyable parce que j'étais l'archéologue et il était le responsable de l'anticorruption, du contrôle sur les territoires. Et ensemble, on a travaillé très bien, c'était la solution. Parce qu'à Pompéi, le problème, c'était jamais la possibilité de trouver l'argent pour restaurer, pour faire des projets. Le problème, c'était la compétence. Il n'y avait pas de personnes avec une compétence très solide pour résoudre des problèmes qui sont vraiment très complexes. On a commencé à changer la politique, la philosophie du travail à Pompéi. Alors, on a formé des équipes mixtes avec les ingénieurs, les informaticiennes, architectes, restaurateurs, archéologues, les paléobotaniques, l'archéozoologue. Alors, toutes les figures fondamentales dans des sites complexes comme Pompéi, où il y a les fouilles, il y a la recherche, il y a la nécessité de restaurer, et chaque projet de restauration est commencé avec la connaissance. Tant'è che la soluzione migliore è arrivata con il La solution a pris la forme de ce qu'on a appelé le grand projet Pompéi. C'est-à-dire que l'Union européenne ne s'est pas contentée de dire « Voilà, on vous donne tant d'argent à dépenser, débrouillez-vous. » Non. Elle a demandé à comprendre comment l'argent serait dépensé, pour quel projet et dans quel délai. L'Union européenne a insisté auprès de l'État pour connaître les échéances et surtout, elle est venue jusqu'ici avec des représentants pour demander des garanties. Et sans cela, ces 105 millions d'euros ne seraient jamais arrivés jusqu'à Pompéi où ils sont encore dépensés actuellement. Ci siamo, se no ci stringiamo si la pancia. L'obiettivo perché siamo troppo belli. Ora la grande sfida è capire quando dal grande Le grand défi sera le passage de l'ère du grand projet à Pompéi à celle d'un projet ordinaire. C'est-à-dire quand il faudra s'occuper de Pompéi chaque jour, avec les compétences requises et les moyens adéquats. C'est là que va vraiment s'ouvrir un nouveau chapitre. L'Europa e il mondo. Aujourd'hui, c'est l'Europe et le monde qui ont la main sur Pompéi. Pas seulement parce que c'est eux qui ont octroyé les fonds, mais parce que Pompéi est le patrimoine de l'humanité. Il est donc normal que l'humanité s'en occupe, et il est normal aussi que l'humanité nous demande, à nous les Italiens, des comptes sur ce que l'on a mis en place. Alors, les projets, les grands projets Pompéi étaient pensés comme un projet pour travailler sur la ville, sur toute la ville. Pas seulement des projets systématiques sur une maison, un quartier de Pompéi, mais sur toute la ville. Alors, des projets contemporains de mise en sécurité de la ville. C'est ça qu'on a fait et on a presque terminé tout ce travail. Francesco Muscolino, on est là dans la région 5 de Pompéi, donc une portion de la ville qui a été fouillée cet été à l'occasion d'un sauvetage. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce sauvetage et nous expliquer en quoi ça consistait ? Uno dei problemi plus graves de Pompéi. Un des problèmes que nous avons à Pompéi concerne en fait le changement de niveau entre cette région 5 et les autres régions qui sont fouillées. Toute la hauteur de la partie non fouillée, donc qui fait 7 à 8 mètres de haut, donc avec toutes ces pierres ponces, ces sédiments, la terre et puis la végétation qui s'est accumulée, pèse sur la partie qui a été fouillée et qui est, devient très fragile. Et questo dislivello, cette différence entraîne des dégâts, notamment des écroulements. Donc, afin d'éviter dans le futur d'éventuels éboulements, on travaille sur la différence de ces niveaux et notamment en constituant des pentes douces au niveau des façades, au niveau des limites de fouille. À la fin du 19e siècle, les fouilles sont arrivées jusqu'à la Via di Vesuvio. Alors, il y avait dans cette rue un côté tout fouillé, l'autre côté, on avait fouillé seulement les façades des bâtiments. Et derrière les façades, il y avait tous les matériaux volcaniques. Alors, ça signifie 6 mètres des matériaux volcaniques qui étaient là à presser sur les zones déjà fouillées. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé à un projet et on a créé comme ça une pente plus douce de 35 degrés. Comme ça, on peut éviter l'effondrement des murs, on peut éviter de permettre à l'eau d'entrer dans les fouilles, dans les maisons fouillées. Et alors c'est justement pendant ces travaux de sauvetage, de mise en sécurité, qu'il y a eu des nouvelles fouilles qui ont été possibles parce qu'il a fallu mettre à l'abri toute une zone de bordure de la zone fouillée. Vous pouvez nous expliquer justement ça un peu ? Parce que oui, tout Pompéi n'est pas fouillé, en fait. Oui, il y a encore 22 hectares qui ne sont pas fouillés. Et évidemment, on n'a pas intention de fouiller les 22 hectares. Jusqu'à ce moment, on a fouillé un demi-hectare. Mais un demi-hectare à Pompéi, c'était chaque jour des surprises incroyables. Grâce à ce projet de mise en sécurité, on avait aussi la possibilité de reprendre les fouilles archéologiques à Pompéi qui étaient fermées depuis les années 60 du dernier siècle. Alors, comme vous le dites, Massimo Ossana, effectivement, dès qu'on fouille à Pompéi, on trouve énormément de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, on a commencé à fouiller une rue qu'on appelait la Vicolo dei Balconi. Alors, cette rue, on a fouillé deux maisons à côté de la rue. Et ces deux maisons ont donné des choses incroyables, des mosaïques inédites, des iconographies très singulières et aussi des données comme l'inscription qui ont permis de repenser la date de l'éruption. Alors on vous suit vers la Villa du Jardin. Alors peut-être Francesco Muscolino, parce que là on est donc dans l'atrium de cette maison, qui est là aussi encore une grande maison. Vous pouvez nous montrer l'inscription au charbon de bois qui a donc fait tellement parler d'elle. Donc ici, nous avons une inscription sur deux lignes. La première ligne nous indique la date. En effet, nous pouvons lire le 16e jour avant les calendes de novembre. C'est écrit en latin, avec une écriture qui est assez claire d'ailleurs. Donc, cette inscription, qui correspond en fait à la date du 17 octobre, pourrait nous donner une preuve supplémentaire quant à la véritable date de l'éruption du Vésuve, qui ne serait pas donc du 24 août 79, mais plutôt du 24 octobre. L'erreur de cette date de l'éruption est liée à une mauvaise traduction d'un manuscrit qui traduisait la lettre de Pline le Jeune à son ami Tacite. Alors peut-être il faut de nouveau remettre la protection, cette couverture de coton et cette structure de bois qui protège l'inscription des intempéries et des maladresses. Et on va maintenant se diriger vers une petite pièce où a été trouvé le trésor d'amulettes qui est en restauration en ce moment. In una delle stanze sul retro della casa, dans une pièce à côté de la cuisine, dans une petite pièce, nous avons retrouvé l'empreinte d'un meuble, peut-être un coffre, qui, au fond, conservait encore toute une série d'objets qui étaient dans des matériaux divers, os, améthyste, ambre, etc. Ces objets étaient donc des bijoux ou des amulettes qui appartenaient sans doute au propriétaire des lieux, à une femme qui habitait cet endroit. L'atelier de restauration du parc archéologique de Pompéi est dans la cité antique. On y accède après avoir traversé le forum par une petite rue. On franchit des grilles et on arrive dans un petit bâtiment de briques qui abrite une pièce claire et carrelée dans laquelle travaille un groupe de restauratrices. Il y a des tables de travail surélevées sur lesquelles on trouve des bocaux, des pinceaux, des scalpels et des brosses. Sur des étagères, le long des murs, sont posées des poteries, des tessons, des amphores, des boîtes et des bassines. Dans la pièce, il y a un petit réchaud, une bonne odeur de café et une conversation comme suspendue entre les expertes. L'une est penchée sur une mosaïque, l'autre sur un lapin de marbre aux oreilles brisées, une troisième sur une grande grille rouillée et la dernière sur une vingtaine de tout petits objets multicolores. Quindi tornando agli oggetti, sono oggetti di vari materiali. Abbiamo osso avorio. Donc ces petits objets sont faits de différentes matières. On a du cristal de roche, de l'ivoire, de la cornaline, des faïences. Abbiamo la preziosa ambra. Nous avons aussi des objets en ambre. C'est un matériau très précieux déjà au temps des Romains. Nous avons aussi une chose très intéressante, puisqu'il s'agit de coquillages qu'on ne trouve pas dans la mer Méditerranée, mais qu'on trouve dans la mer tropicale. Donc les experts sont en train d'étudier ce type de coquillage. Nous avons de nombreuses représentations phalliques, donc ça c'est typique de Pompéi, on en trouve un petit peu de partout. Donc le symbole phallique, en fait, c'est aussi lié à la richesse, à la fécondité, à ce thème qui est très prisé à Pompéi, à l'Antiquité. J'étais présente quand les archéologues les ont trouvés. À chaque fois qu'ils en sortaient un, ils étaient recouverts de cette cendre qui avait légèrement durci. Donc ils étaient comme ça, comme vous les voyez. Les couleurs sont originales. On a juste consolidé avec une résine et puis avant, on les a lavés avec de l'eau déminéralisée. Dès qu'ils sortent de la terre, de la cendre qui les entoure, ils subissent un espèce de choc. Donc c'est là que c'est compliqué de les restaurer tout de suite après la fouille. Et est-ce que parfois vous vous dites, Elisa Pucci, que finalement il aurait mieux fallu qu'il reste sous la terre cet objet qui devient tout fragile en sortant ? Si, effectivement, je me dis très souvent que l'objet sous terre était dans un meilleur état de conservation que quand on le sort. Mais heureusement maintenant on a les techniques modernes qui font qu'on peut les restaurer. Un objet très intéressant duquel je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vu, c'est celui-là. Donc je vais vous le montrer. Posso prenderlo così ve lo racconto. Questo è un cameo in pasta. C'est un camé en pâte de verre fait avec la technique de l'incision qui est typique des Romains et il représente un satyre qui est en train de danser. C'est comme ça, un verre ovale, et on voit effectivement un satyre qui danse avec un voile. On voit tout le mouvement, c'est vraiment très vivant. Si vedono i pettorali, quindi la struttura anatomica, la bellezza fisica maschile. Donc quand on regarde ce camé, c'est impressionant, c'est très beau. On voit les pectoraux du satyre, on voit très bien l'anatomie de l'homme. Il a la tête un petit peu tournée, dans une position qui rappelle qu'il est en train de danser et qu'il est en train de s'enivrer de danse. Et cet objet est très important puisque on retrouve le même personnage dans la même position, dans une statue de bronze qui est conservée en Sicile. Donc pour le moment, en fait, on est en train de nettoyer les perles qui sont en cristal de roche et les autres perles aussi qui sont là à côté, qui sont ou en cornaline ou en agate. Donc là, vous êtes installé sur une chaise, oui. Donc sur un établi. Autour de vous, il y a beaucoup de flacons de verre, des oui. bouteilles en plastique, des pinceaux, des brosses, des petits grattoirs. Là, vous prenez du coton et une petite baguette de bois pour enrouler le coton comme un gros coton-tige. Et questa è la terra di scavo che ancora. Et donc, ce que vous voyez là, c'est la terre de la fouille qui est encore adhérente à la perle. en cristal de roche. Tous ces objets ont donc été retrouvés dans la maison du jardin, dans la région 5. Et comme vous savez certainement, dans cette maison, dans une pièce à côté de celle où on a retrouvé les objets, on a retrouvé des squelettes de femmes et d'enfants. Donc tous ces objets appartenaient peut-être à une de ces femmes. Par exemple, pour l'objet en ambre qui représente un épi de blé, on sait que c'était un objet qui était porté par les matrones et qui était un symbole de fertilité. Alors, Francesca Leolini, cet été, il y a eu beaucoup de photos de ce trésor qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Et il a été décrit parfois dans les journaux comme un trésor de sorcière. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces objets sont liés d'une manière ou d'une autre à la fertilité et à la fécondité. Les archéologues font un lien qui semble évident entre ces objets et les femmes. Et aussi, ces objets ont une valeur apotropaïque, c'est-à-dire qu'ils servent à éloigner le mauvais œil. Donc, c'est surtout un symbole de fécondité et de fertilité qu'on lit à travers tous ces objets. Cet épi de blé ou d'orge, on ne sait pas encore, il faut attendre le résultat des études des experts, et forcément lié à la fécondité. En aucun cas, on ne peut dire si c'est des objets qu'on gardait pour se préserver soi ou si c'était des objets qu'on gardait pour distribuer et préserver les autres. Non, nous ne savons pas et on ne peut pas se prononcer là-dessus. On devrait demander à une sorcière si elle peut nous donner une réponse. Qu'est-ce que vous répondez, Massimo Osanna, à ceux qui trouvent que finalement on n'aurait pas dû faire ces fouilles, que fouiller à Pompéi, c'est fragiliser encore, c'est dangereux et voilà. Alors, je suis convaincu qu'il faut fouiller à Pompéi parce que la documentation qu'on peut récupérer aujourd'hui avec toutes les technologies et la méthodologie qu'on a maintenant sont très différents et on change radicalement notre connaissance de la ville. Mais il faut savoir où. Est possible. Il y a la possibilité de faire des fouilles sans créer des autres criticités. Et nous, on a décidé de faire des fouilles seulement là où est nécessaire de mettre en sécurité l'endroit. Là, on peut conjuguer la connaissance avec la tutelle de la ville. Ces études, elles renouvellent complètement notre connaissance du site. Histoire économique, histoire religieuse, tout est en... On ne réinvente pas l'histoire de Pompéi, mais on la complète. C'est ce qu'apporte aujourd'hui l'archéologie contemporaine, qui va beaucoup plus loin parce qu'elle déploie sur le terrain des spécialistes qui sont de plus en plus aguerris, qui étudient un large éventail de mobilier. Tout ça nous amène à être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait et évidemment à compléter largement ce qui a été fait auparavant. Et est-ce que vous pouvez nous dire, William Van Andringal, qu'est-ce que l'archéologie scientifique a apporté ou a changé à l'histoire qu'on faisait de Pompéi? Alors, oui, par exemple, avant qu'on intervienne, on ne savait pas comment les Pompéiens enterraient leurs morts et quelle était la représentation de la mort que se faisaient les Pompéiens. Et aujourd'hui, on a écrit une nouvelle page de l'histoire de Pompéi. C'est pour dire que lorsqu'on pose cette question, on pose souvent la question, c'est savoir s'il y a encore des choses à trouver à Pompéi. Ben oui, il y a beaucoup de choses à faire encore, parce que la ville a été dégagée, elle a livré des kilomètres de structures qu'il s'agit d'étudier dans le détail, elle a livré des contextes extrêmement différents, des contextes domestiques de maison, des contextes de culturels religieux, des contextes de production, de lieux de production, etc. Donc on n'a pas fini d'écrire l'histoire de Pompéi. Buonasera. Scusi, dove sono gli scavi francesi? Scavi francesi stanno qua giù, ma non lo so se potete. Sono francese o sono inglese? No, sono francese. Allora scendendo giù a destra, ok? A tua. Et là, ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de fouiller toutes les sépultures dans le même enclos pour comparer les sépultures l'une et l'autre, pour voir si elles ont été construites et aménagées de la même façon, si on a célébré les mêmes rites, utilisé les mêmes produits, etc. Donc c'est vraiment la comparaison et la répétition des faits qui nous permet de restituer les pratiques funéraires des Pompéiens. C'est l'aspect fort du programme. Je suis peut-être le 80e anthropologue qui travaille à Pompéi. Henri Dudet. Mais je suis, sinon le premier, l'un des tout premiers à travailler non pas sur les morts de l'éruption, mais sur les restes des gens qui vivaient à Pompéi dans les années, les décennies, le siècle qui a précédé l'éruption. Nous travaillons sur les gestes funéraires et notamment les gestes lus au travers des restes brûlés. Et là, on est dans une situation, peut-être pas unique, mais presque unique, de cas où on peut à la fois lire le niveau de fonctionnement de la nécropole, puisqu'ils ont été figés par l'éruption de 79. Donc il y a toutes les traces des gestes commémoratifs, des cultes du souvenir. Il y a aussi, de temps en temps, des bûchers, des aires de crémation, pas le bûcher lui-même, mais ce qui subsiste après l'extinction du feu et la collecte des ossements, tout ça est figé à la surface du sol. Et puis on a ensuite la possibilité de fouiller la partie profonde des tombes et d'étudier ce qu'il y a dans la profondeur. Là, par exemple, on travaille sur un petit espace funéraire qui fait 3 mètres carrés et dans lequel on a enterré 12 individus au moins. On est au 1er siècle après Jésus-Christ, on est sans doute à l'époque tibérienne, claudienne. Bon. L'intérêt ici, c'est de fouiller les 12 sépultures. Donc là, on passe au-dessus de la petite pierre tombale, la petite stèle qui a été déplacée. Avec l'inscription, c'est le nom de... C'est le nom du défunt, oui. Il s'appelle Clémence. Et donc là, vous avez un exemple typique d'un petit enclos familial avec une tombe principale qui est dans la situation axiale. C'est la plus monumentale dans le sens où elle est marquée par une stèle imposante, une pierre tombale imposante. Et vous voyez que au pied de la stèle, eh bien, on trouve un énorme coffrage en grandes dalles de calcaire. Vous le voyez, les dalles de calcaire. Et à l'intérieur, on a très certainement une urne. Et vous avez ici, vous distinguez un tube à libation en plomb qui permettait de verser du parfum à l'intérieur du coffrage, donc à l'intérieur de la tombe, sur les ossements du défunt ou de la défunte. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme dans ce cas-là. Ce tube était relié à l'extérieur. Voilà, c'est ça. L'orifice apparaît donc à la surface du sol. On venait honorer les morts ainsi, en versant du parfum par le tube à libation. L'autre, le grand trou, vous avez la sépulture a été fouillée. Il ne reste plus que la cavité finalement. Ils avaient déposé l'urne qui contient les ossements du défunt dans un contenant en plomb. Et le contenant en plomb avait été inséré dans une amphore qui avait été découpée. Donc on avait un triple contenant qui garantissait l'inviolabilité de la sépulture. Une façon d'enterrer que l'on ne retrouve pas pour les autres sépultures par exemple. Donc on a vraiment des modes opératoires très très différents d'une sépulture à l'autre. Il faut distinguer, il y a les étapes que nous sommes capables de percevoir et les étapes que nous ne sommes pas capables de percevoir. C'est-à-dire que dans les rites funéraires, il y a toute la phase pré-sépulcrale, je veux dire la veillée des morts, la toilette du mort, enfin ce qui se dit, etc. Ça, évidemment, ça nous est inaccessible puisqu'on est dans la phase pré-sépulcrale. Lorsqu'un individu meurt, il y a deux gestes qui interviennent. À la maison, c'est qu'ils prélèvent dans la cuisine familiale un vase de cuisine dans lequel ils vont déposer les ossements du défunt, puisqu'on a aujourd'hui l'assurance, puisqu'on a travaillé sur un très grand nombre d'urnes cinéraires, que ces urnes ne sont pas fabriquées pour les morts, mais qu'elles sont fabriquées pour la cuisine. Ce sont des marmites. Et ce prélèvement systématique d'une marmite déjà usagée, parce que c'est ça qui nous permet de le dire, c'est que ces vases ont déjà été utilisés sur le feu, donc ils sont déjà servis, eh bien, je crois qu'il y a un acte volontaire qui est celui d'aller chercher un vase familial qui a servi pour faire la cuisine, autrement dit, de prélever quelque chose qui appartient à la maison, en fait. Et l'autre chose que l'on prélève, c'est la lampe à huile. Parce que même phénomène, toutes les lampes que nous trouvons ne sont pas des objets qui ont été achetés pour être utilisés dans la nécropole, mais ce sont des objets usagés. Très souvent, l'anse est cassée, mais on voit que les marques de chaleur que porte la lampe indiquent également un long usage. Donc on voit bien qu'ils prélèvent ces deux objets déjà, qu'ils amènent dans la nécropole, et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, on brûle les morts. Donc, il y a l'édification du bûcher, les bûchers qui sont dans la nécropole. À ma connaissance, on n'a pas trouvé de reste de bûcher dans la ville de Pompéi, en dehors des espaces reconnus comme funéraires. Donc, il y a l'édification du bûcher, puis la crémation. On a, dans le secteur que nous fouillons à l'heure actuelle, il semble que les aires de crémation étaient à l'intérieur des enclos. Donc, on construit un bûcher. Dans un certain nombre de cas, on a des lits funéraires que l'on retrouve, évidemment fragmentés, brûlés, fragmentés. Et tout cela nous permet de restituer bien le moment des funérailles, comment les bûchers sont conduits. On étudie également les charbons de bois, on étudie toutes les traces laissées finalement sur une aire de crémation, et jusqu'aux ossements du défunt, bien entendu, puisqu'on travaille sur les morts. C'est évidemment, les morts sont au centre du processus que l'on étudie. La transformation du défunt par le feu est accompagnée par des rites spécifiques. Très certainement, on a des spécialistes qui interviennent pour conduire les bûchers. On a réussi à rentrer, à quelque chose que je ne soupçonnais pas il y a quelques années, je n'y arriverai jamais, à rentrer dans la séquence rituelle, dans les séquences rituelles, dans les séquences gestuelles, c'est-à-dire que maintenant, on sait que lorsque on allume le bûcher, donc on dresse le mort sur le bûcher, on utilise quatre objets récurrents ou produits récurrents qui reviennent systématiquement. On a une lampe à huile, pas deux, une. Dans une autre localité, on pourrait en avoir 30, mais ici, on en a une. C'est la coutume locale. On a du parfum, utilisé en abondance. Et on a également un liquide contenu dans des gobelets. Alors, on ne sait pas ce que ces gobelets contiennent, mais je pense qu'ils contiennent, moi, du vin. Donc, on boit quelque chose ou on verse quelque chose, mais en tout cas, on a ces gobelets qui reviennent systématiquement. Et on a enfin des aliments qui sont brûlés sur le bûcher avec le mort. Ce sont les objets, finalement, qui vont dicter le savoir rituel, et pas le contraire. Ça, c'est extraordinaire pour l'archéologie, parce qu'on travaille sur des vestiges matériels. En effet, ce n'est pas un savoir intellectuel qui va permettre de bien enterrer le mort, mais c'est le recours à des objets ou à des produits, alors produits olfactifs comme le parfum, mais qui vont permettre de rendre visuellement et avec l'odorat, avec tous les sens finalement, de rendre le passage de la mort effectif. D'où le rite de passage, d'où ces séquences. Et ces objets interviennent dans des rituels qu'on appelle d'opposition, c'est-à-dire que la lampe à huile est là pour marquer l'opposition des ténèbres de la mort et des lumières de la vie. Le parfum est là pour marquer l'opposition entre, très forte pour le coup, dans un moment émotionnel fort, marquer l'opposition entre la mauvaise odeur de la mort, la pourriture du cadavre, et puis la bonne odeur de la vie. Et je pense que les aliments qui sont brûlés avec le mort, même chose, on a des aliments qui sont pris dans la cuisine familiale, ce ne sont pas des aliments spécifiques, on n'a pas de traces d'animaux sacrifiés, ou très peu, mais ce sont des aliments de la vie courante qui sont pris dans la cuisine familiale, un peu de bouillie, quelques fruits, des figues, quelques légumineuses, et donc ces aliments sont brûlés avec le défunt. Et là, je pense, encore une fois, on retrouve ce jeu d'opposition entre les aliments consommés qui renvoient à la vie et puis les aliments brûlés qui renvoient à la mort. De nouveau, ce geste d'opposition. Une fois que le mort est brûlé, on récolte ses restes et on voit que ces objets dont je parlais, qui marquaient la transformation du défunt, à ce moment-là, sont cassés. Il y a la collecte, il y a le transfert à la tombe, et ensuite, il y a la constitution même de la tombe, avec le dépôt dans l'urne ou dans un sac, enfin, dans un coffre. Enfin. Et aussi, souvent, dans l'urne, il y a une monnaie, soit au sommet, soit au fond du dépôt, et donc au contact du sac. Or, il s'agit de monnaie de bronze, et du coup, au contact de la monnaie de bronze, le tissu est conservé. C'est-à-dire qu'au moment de la collecte, ils ne plaçaient pas directement les os dans l'urne, ils les mettaient dans un sac, et ensuite, au moment de la constitution de la tombe, le sac lui-même, le ou les sacs, puisqu'on a aussi des cas où on arrive à prouver qu'il y avait deux sacs, sont déposés à l'intérieur de l'urne. Alors la tombe est refermée. Une fois la tombe fermée, on a un dernier geste qui intervient sans doute, et toujours avec les mêmes produits, les mêmes objets qui interviennent, où on verse un peu d'huile soit dans le tube à libation qu'on vient d'installer, c'est le dernier hommage avant lorsqu'on ferme la tombe, et on dépose d'ailleurs le flacon. On a plusieurs cas aussi où le flacon est déposé à côté du tube à libation. Ça marque le scellement définitif de la tombe, mais on a également, on fouille des sols et on peut passer juste à côté, et c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Et là, donc, on a eu cet espace ouvert entre deux tombeaux avec trois sépultures, hein, dont vous voyez les stèles apparaître. Hein. Donc on arrive à documenter non seulement l'installation des sépultures, les rituels qui interviennent lors de la commémoration des défunts, lorsqu'on vient verser, allumer une lampe à huile sur la tombe, lorsqu'on vient verser du parfum sur la tombe ou dans le tube à libation. On arrive à documenter également la fréquentation. On a même un cas, une zone encaissée avec des phénomènes d'orage qui ont scellé des dépôts commémoratifs successifs. On a 11 dépôts successifs scellés par des apports colluvionnaires. Ce qui permet de dire que l'individu, dans ce cas, c'est une dame qui s'appelle Popé. Cette dame a été enterrée et qu'elle a reçu exactement 11 visites. Une personne de la famille, la même personne ou des personnes différentes, sont venues honorer sa mémoire à 11 reprises, en venant brûler du cochon, du porcelet, en venant brûler, dans certains cas, des oursins, des fruits. Donc elle est venue, cette personne est venue brûler des aliments et sans doute verser du parfum également, sans doute aussi, mais on n'a pas les témoignages, allumer une lampe à huile, mais en tout cas, on a 11 dépôts successifs de commémoration de la défunte en question. Donc alors, ça peut être, vous allez me dire, ça peut être 11 dépôts successifs au cours d'un mois, s'il y a eu 11 orages par exemple, mais ça on n'est pas en mesure de le dire pour l'instant, parce qu'on, mais en tout cas, on est là sur un laps de temps très court, et après tout s'arrête, l'oubli est organisé. Mais ça renvoie à d'autres observations où on est sûr qu'au bout d'une génération, les tombes sont oubliées, les individus sont oubliés. Il y a très peu de sépultures qui portent le nom du défunt ou de la défunte. Donc on a de toute façon un oubli programmé. Et l'acte qui achève, je crois, l'oubli mémoriel, c'est la... Et là aussi, on a des traces archéologiques très claires de ces phénomènes, des choses qui nous ont... Tout ce que je vous raconte, c'est on va de surprise en surprise, parce que c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est qu'on a maintenant la preuve, par la répétition des phénomènes, qu'au bout d'une génération, l'ensemble des marquages de tombes sont récupérés. Des stèles, plaques de scellement qui vient fermer la sépulture, et on tire les tubes à libation. Et donc on enlève tous ces marquages de surface qui sont réutilisés, revendus ou réutilisés, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a toute cette activité qui, là aussi, je crois, implique un certain regard de la cité, au moins un certain regard public. Je ne vois pas comment on peut organiser ce type d'activité sans qu'il y ait une gestion publique derrière. Et l'archéologie, c'est une phase analytique. Hein. Lorsqu'on enregistre le mobilier, il est analysé. On part d'observation et de récolte sur le terrain. Et ensuite, pour arriver à l'histoire que je vous raconte, il faut des années parce qu'il faut recouper les informations. Il faut mener les analyses au bout. Il faut pouvoir mettre ça dans le temps. Il faut pouvoir associer ça aux structures. Et tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, il faut être patient. Mais avec... ensuite, à la fin, on est récompensé quand même. Je suis convaincu que Pompéi, ce n'est pas seulement la Pompéi scientifique des archéologues. Aussi, il faut penser à Pompéi, pas seulement comme le lieu de l'archéologie, mais un lieu du monde contemporain qui peut être inspiré du passé. Il faut aussi montrer la catastrophe, parce qu'à Pompéi, c'est difficile de voir, d'avoir des endroits où on peut voir encore tout la pierre ponce, la pile, la cendre. Alors, je pense qu'il faut aussi montrer la vie quotidienne, la première vie de Pompéi et aussi la catastrophe. Alors, quelque chose de tout à fait personnel, j'ai été invité à participer à une table ronde il y a quelques années à L'Aquila, au nord-est de Rome. Mais L'Aquila est une ville qui a été victime d'un tremblement de terre. Et c'était 2 ans avant, je crois. Et je suis arrivé là. Et l'impression que j'ai eue, c'est que c'était Pompéi. Alors, avec le décalage du temps. Mais vous voyez un immeuble qui est encore debout. Puis tout d'un coup, vous voyez des espèces de galettes dessous. En fait, c'était un immeuble qui était sur pilotis, les voitures étaient garées dessous, il y avait le parking, et l'immeuble est tombé, les piliers se sont cassés, et ça a écrasé toutes les voitures. Ailleurs, vous voyez des immeubles qui ont été fêlés, mais qui sont toujours debout, qui ont été fissurés, les gens n'ont pas pu entrer, et vous avez le linge qui était étendu sur les balcons, mais évidemment qui s'effilochait parce qu'il y avait 2 ans de soleil, d'intempéries, de vent, etc. Vous voyez une façade, et puis les fenêtres sont vides, et derrière, il n'y a plus rien. Tout s'est effondré. Et l'impression que j'ai eue, c'est comme Pompéi. Tout d'un coup, ça s'est arrêté. On a quelque chose qui s'est figé. C'est comme ce qui sort lorsqu'on enlève la couche de cendre. Voilà. Pompéi est un lieu de valeurs universelles. Ce n'est pas un parc archéologique normal, parce que toute cette vie incroyable terminée pendant l'éruption et après la redécouverte dans le XVIIe siècle, avec cette expérience qui était incroyable dans cette époque, on peut dire avec Proust, les temples retrouvés. Ça, c'est incroyable. Avec tout ça, Pompéi est vraiment le lieu universel. On peut réfléchir sur l'humanité. Ricordo, però, ricordo bene. Ricordo. Forse l'ho anche raccontata, sì. Ce sont de très vieux souvenirs. Ça fait des années et des années. Et je m'en souviens très bien. En fait, je venais à Pompéi, pas avec l'école, mais plutôt pour faire l'école buissonnière. Moi, je trouvais l'école ennuyeuse et quand je m'ennuyais trop, je venais ici. Je venais là aussi pour me réfugier, pour ne pas être vu de ceux qui auraient pu raconter mes fugues à mes parents, qui étaient peut-être au courant d'ailleurs. Quelle fughe in questi luoghi, in queste strade, et ce sont ces fugues dans ces lieux et dans ces rues qui ont probablement servi à me faire grandir et à me faire tomber amoureux de mon pays. Allora, oggi siamo venuti Mais mon endroit strada, favori, mon lieu de cœur à Pompéi, c'est probablement celui-là, parce que des hauteurs de cette villa, à cet endroit, avec cette vue, on retrouve la relation de Pompéi à la mer. Et peut-être que c'est mon endroit favori aussi, parce que Pompéi est né là, et que Pompéi doit y demeurer, parce que la mer doit rester aussi belle que l'est Pompéi, qui a été fondée sur la beauté. Je crois vraiment que nous devons retrouver la beauté de la Pompéi ancienne, et aussi de la Pompéi d'aujourd'hui, dans laquelle demeure la Pompéi antique. Nous devons faire revenir et préserver la beauté dans ces lieux. Merci à Alix Barbet, Henri Dudet, Antonio Irlando, Francesca Leolini, Francesco Muscolino, Massimo Ossana, Elisa Pucci et William Van Andringa. Merci aussi à Vincent Charpentier et à Marella Brunetto et à Dorothée Nem du Centre Jean Bérard de Naples qui assurait la traduction. Archivina Véronique de Saint-Pastou, voix en français d'Antonio Irlando, Daniel Königsberg. Prise de son, Laurent Macchetti. Mixage, Claude Niort. Pompéi, des vies sous la cendre, un sauvetage et des découvertes scientifiques. Une émission de Perrine Kerfran, réalisée par Diffie Mariani. Archéologue, anthropologue, romantique, touriste et volcanologue LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à la cafétéria du site, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous serons enfin poètes. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.